Fred balance la sauce. Ah. C'est quoi les dieux, c'est quoi les bails, les soldats du 9-1 sont dans la place. On est 1-0, on balance dans le bail. On rappe indépendant dans la place, mon gars. États-Unis d'Afrique, ma gueule. What up, what up? What up? What up? Gangster, gangster, Biggie, Biggie, yeah, Je suis venu, mais j'ai fait que du sale. Comme Steve Hercule, c'est moi qui ai fait ça. J'ai fait bouger les têtes, j'ai fait bouger les salles. Si t'es pas toi avec eux, tu peux couper, c'est ça. Donc, je passe pas toi, je fais ça. Au cœur de la jungle, je m'évite de la facile. Je n'ai aucun remords, les deux donnent. Ah! Oui! Bandana Purple Hell, Shizon! Du clan Kennedy, Kennedy, né pour gérer tous les ennemis. Ennemis, au Warrior pour être à Urban Peace. Urban Peace, mais vous êtes fous, Mago Benny B. Putain d'époque, quelle idée de devenir parent. Parent, putain d'école, 900 murders 40. Dans nos crânes, Mago, ça tourne pas rond. On a des flammes silencieux comme le daron. Je marche avec les mêmes depuis une décennie. On défonçait des mecs de quartier chaud, on avait 16 et demi. Ça fait mal quand l'assiette se vide. Non, c'est bizarre comme la cesse diffuse. Tu peux me croiser dans une grande pavanance. Je sors sûrement de studio négro, je rentre pas de vacances. Anna Montana, vas-y, danse dans la blanche. Mais si t'as le booty à Miley Cyrus, tente pas ta chance. La rime qui blesse, ça fait longtemps que je l'ai. Il bouge l'anus, le public se contente de merde. Ramène ma bonne bande de nègres, une constance de fer. Tu veux du magic, ça tombe bien, je reviens de Los Angeles. Yeah. On a passé l'âge des cadavres, FMV c'est le hashtag. Un des seuls rappeurs français boosté par les Rasta Basta. Après si c'est comme le premier pédo. Yeah, grosse biatch sur un quick size d'un lopido. Yeah, Masta, ça sent le sac à dans mon quartier de Blédos. Yeah, je plaque ma salade dans les paquets de Kellogg's. Si tu traînes avec ma team, faudra v'là les poumons. Pas de coca dans mon yax, mon goda mes puro. Pas de tabac dans mon yax, sombré dans mes puro. Dame puro, mango, dame puro. Si tu traînes avec ma clique, il te faudra v'là les poumons. Bienvenue à Paris, t'as de la rime, c'était pas mieux avant. Raconte pas ta vie, ta bouche, FMV c'est trop bavon. RC Lorac, j'ai la vision, j'ai cramé ton équipe du dimanche. Tu vois pas de nazis dans ma ville, ces fils de pute ne sont plus vivants. On sent pas les reins, j'ai filé vu que j'ai pas le temps. Gamo sur les Champs-Élysées, musique à fond. Yeah, RC, gros dash, 31 mars dans les bacs. L'album Bandana est là, lundi les Mogoff, faut aller choper ça. Le 31 mars, en précommande. Yeah. Aïe, c'est quoi les G's, Missa? C'est quoi les G's? Un petit dernier bail, une petite dernière sucrerie. Bande de son, DG c'est la famille. Missa, Bandana Purple Ace, 31 mars, BPH, Mogo. Chope les clips, chope les saumons. Découvre le rap du 9-1, découvre l'ambiance un peu sud-sale, la sud-sale mentalité négro. Missa, dis-leur. Tu veux que je leur dise quoi? Que l'album est prêt dans les bacs, le 31 mars, sans quoi, et va le chercher, tu débarques. Ou quoi? Rends-moi, dis-moi, c'est Godas qui arrive, ouais. Amy Craig, tu veux des sapousses, le jeez, oh, ouais. Avec mon négro du CP, Mos Dardère, dans le game, on n'a pas le temps de bluff, tu connais le Césaire, c'est ça les jeezers, je n'ai rien à foutre. Mec, de quoi tu me parles, négro? Je ne sais pas de quoi tu me parles quand tu me dis que les mecs ne sont pas chauds, je ne comprends pas. Ce n'était qu'un dream. Je rêvais sur Radical Magazine. Les photos du secteur A dans une grosse limousine. Sage poète dans le poste. Je connaissais par cœur Bombe Attaque, tous les freestyles que crachait Oza. J'avais pas de pédale en mode baisse bas. J'avais sur le pute crête comme un baisse bas. Dégage, Chisel déboule sur la piste. Un verre de Jack sur du flex busta. Rappelle-toi truc de fou. Les frères de balle, Monsieur R, le ministère, laissez-moi faire mes balles. Hey, en mode flashback, Marty McFly. Allergique au kiss des deux kimpés. Drunk dealer, j'écoule ma marchandise. Viens se nous faire mes jeans. Classique comme les mixtapes, Cut Killer. Peace à Deep Psycho, Cutty B. À tes clics, j'écoutais du Ecstasy. Poursuivi par des Starsky. On vient du hood, pas de Hollywood. Présenter mes bad books chaque jour. sur le rap, je débarque. Mêlez voile, ramenez les armes, éliminez les petites frappes. Je ne mets pas de gants, phénomène est exactement, t'es mort dans la mine. Pas le temps de faire un exemple, t'as pas la mine. Si tu bouches avec le texte, c'est bon, tu dis de la merde à chaque couplet. Je pète les plombs, espèce de petite âme, t'excelles et l'excédent est faramine. Comme un accident, une anomalie, je le boulais, je casse tes dents. Malvenu, mêle, souk, putain de festival, mérite mon kilo val plus que ton sac d'or, envoie la monnaie. Donc respecte, boy, c'est l'oracle des boules, effectivement, je déroute. Panique, pêle-mêle, FMV, mes bougues, salut, ta clique, on les met par terre, on les mêle. Mêle. Est-ce vraiment ce que tu crois, ce que tu crois, est-ce vraiment ce que tu vois? Est-ce que tu crois ça? Est-ce que t'es sûr, c'est pas ce que tu vois qui fait que tu vois? Ce que tu crois ou bien ce que tu crois? Parce que ce que tu vois, je comprends pas comment ça. Soit tu piches à tes cons, si t'es con, tu perds, tu peux en faire pour toi, par du son. Biatch, à ce que disent, moi je crois, ce que je vois, est-ce que tu fais vraiment partie, tu sais, avec qui crois? Par exemple, Dieu, est-ce que tu vois? Mais dis-moi, est-ce que tu crois? Parce que tu sais quoi, si tu dis ça, que t'es quoi, il reste gangsta. Soit t'es gangsta, soit tu l'es pas. Confonds pas un verre de sky avec un verre, soit du sable. Soit tu veux donc dire un truc chelou, soit tu veux, soit tu pars en couille dès que tu ouvres ta bouche, ça peut rendre mieux coup. C'est ça les jeans, mec, tu deviens fou. MY, double S dans le game, Zer. Tu dis bizarre, dealer, c'est quoi les jeans qu'on reste dans le game au Bandana, Breffenes, 31 mars. La poigne à nos chers. Dream. Eh bien, merci Unlimited pour ce très bon début de Nocturne. Merci à ceux qui sont relayés au micro. Il y avait Grodage, donc Misa, Rockin' Squat avec nous. Misa. LMC Click avec Juicy P qui était là aussi. Dans la maison, si vous parlez vrai, tu connais les bails. On est là. Pas Jack Mani. Jack Mani, DGC Records. Mais négro, les États-Unis d'Afrique. Il y avait la carabine. Cozy qui avait ouvert tout à l'heure en freestyle. Je connais les bails. Dex. Il y avait RC Lorac. Il y avait Rockin' Squat. Il y avait DJ Miss pour relier tout ça. Pour ambiancer tout ça. Ouais, la carabine. Il y avait Ish. Il y avait ça a bien kické, hein, franchement sympa. Hein. Eh ben merci Grodash, on rappelle que c'est Bandana et Purple Haze que ça sort lundi dans les bacs le 31 mars. Voilà. Précommandez maintenant, hein, tout de suite. Précommandez maintenant. Tout de suite disponible sur iTunes, les gars. Branchez-vous sur vos iPhones, sur vos fucking Androids, les gars. Commandez ce fucking buy, ce iTunes shit. Précommande Bandana Purple Haze 10,99. Yes. Et voilà, on a besoin de soutien. Le rap indépendant, c'est le charbon. On part au charbon pour tout le département, pour les vrais kiffeurs de rap français. Et voilà. Lâchez-vous les gars, lâchez-vous. Et bah merci. Bon rap. Merci d'avoir été avec nous pendant cette bonne heure de Nocturne pour bien la débuter en ce vendredi soir. Merci. Yeah. Merci à vous tous. Normal. Petite dernière dédicace, allez-y, hein, c'est le moment jamais. Dédicace, Flyman Vision, toute l'équipe, les Ulysse 91, je laisse les frérots. Unlimited, toute l'équipe, DGC Records, Greeny, l'Afrique. Tu connais les bails, grosse dédicace. Corbeyson. Grosse dédicace à mes frères des États-Unis d'Afrique. Bientôt le projet ça arrive, on prépare ça au calme la famille. Kinshasa Boys. Allez chez MC Click, DGC la famille, Néo Music, on est ensemble, tu connais les bails. Balamboka. Voilà les gros. Boyoka bien, boyoka bien. Je tiens aussi à préciser que ma mixtape elle arrive d'ici le mois de juin, si tout va bien, certifié vrai, 2 et qui est la plaquette. Yes. Et là, le 2 avril, il y a le son qui s'appelle Click Click Pas qui arrive dans vos oreilles. Voilà, restez branchés les frères, ça va être sale. Elle aime Césaire. Merci à vous tous. 9-1. Merci Grodash. Merci à vous, poteau. A très vite. Yeah. Et volume 1 bientôt dans les bacs. Et la Nocturne continue maintenant sur Skyrock. Bandana et Purple rap français. 100% explicite lyrics. La Nocturne. Allez, la Nocturne, ça continue avec le son de Black M. Cette semaine, il est passé dans Planète Rap. Dito Catarique. Dito Catarique. Catarique, le Ouattibé, ils viennent Paris. Dito Catarique, le Ouattibé, ils viennent Paris. Dito Catarique, le Big Black M, ils viennent Paris. Dito Catarique, je vaux plus cher que Cavani. Ramenez-moi vos rois, je vais retourner l'endroit. Ramenez-moi vos rois, je vais vous faire marcher droit. Ramenez-moi vos émirs, je vais remplir toutes vos élites. Ramenez-moi vos émirs. Hitler, il commence par la 9ème zone. Là où l'homme, tu ne peux pas le raisonner. Kick depuis l'époque dans la zombie. Pas le genre à trahir en à la zombie. Marche, casquette à l'envers. Y'a pas eu que des clips dans le square d'envers. Paris Danger, la goutte d'or qui fait déborder le vaseau. Écoute-moi, trop de clichés. La même merde jusqu'à place de clichés. Méga figé, obligé de kicker. Montrer que je peux les monter en l'air. Wesh, riquet, crimé, cambré. Dites-leur, pas de mec cambré. Paris Danger, t'as voilà dealer qui finiront démembrés. Catarique, le Ouattibé, ils viennent Paris. Dites au Qatari que le Wati B il vient de Paris. Dites au Qatari que le Big Black M il vient de Paris. Dites au Qatari que je vaux plus cher que Cavani. Ramenez-moi vos rois, je vais retourner l'endroit. Ramenez-moi vos rois, je vais vous faire marcher droit. Ramenez-moi vos émirs, je vais remplir toutes vos élites. Ramenez-moi vos émirs. Dites-leur qu'ils enchaînent par Danube, Gaston Pino, dis-moi d'où vient ton pilon. Même d'où viennent ces mixtapes qu'à l'époque on appelait pur son ghetto. Là où y avait les César Guelphar et mes gravons du 9-4. Nous, gros bras, et en face il n'y avait que des petites frappes. Bref, ferme-la quand j'opère, kick sale pour les mecs de la grange au bel. Quand je rappe ton MC, il panique grave. Je suis le pochon de S de place Stalingrad. T'as dû me voir Zepo dans le 17 avec toute une équipe de Z. Ou bien en train de marcher vers eux en quête de niquer tout le rap vieux. Bref. Qatari que le Wati B il vient de Paris. Dites au Qatari que le Wati B il vient de Paris. Dites au Qatari que le Big Black M il vient de Paris. Dites au Qatari que je vaux plus cher que Cavani. Ramenez-moi vos rois, je vais retourner l'endroit. Ramenez-moi vos rois, je vais vous faire marcher droit. Ramenez-moi vos émirs, je vais remplir toutes vos élites. Ramenez-moi vos émirs, je vais remplir toutes vos élites. 9-1, 9-2, 9-3, allez tout le monde dit black. 9-4, 9-5, 7-7, 7-8, tout le monde dit black. Madinina, Wada là-bas aussi, tout le monde dit black. Tunisie, Maroc, Algérie, j'ai dit tout le monde dit black. Pas le temps de dédicacer tout le monde, j'attends pas que le modèle me dédicacer. J'ai pas le temps de clasher avec vous les mecs, laissez-moi juste passer. J'ai la dalle d'un mec de chez moi, parfois je suis complètement ingérable. Je suis en studio et règle ingérable. Big Black et A, je dois tout casser. Dites au Qatari que le Wati B il vient de Paris. Dites au Qatari que le Wati B il vient de Paris. Dites au Qatari que le Big Black M il vient de Paris. Dites au Qatari que je vaux plus cher que Cavani. Ramenez-moi vos rois, je vais retourner l'endroit. Ramenez-moi vos rois, je vais vous faire marcher droit. Ramenez-moi vos émirs, je vais remplir toutes vos élites. Ramenez-moi vos émirs. Black M, l'album, sera dans les bacs lundi. On a passé une grosse semaine avec Black M dans Planète Rap entre 20 et 21 sur Skyrock. Le morceau s'appelle Qatari, c'est extrait de son album Les yeux plus gros que le monde sur Skyrock. Le son continue, Iqbal de TLF avec son morceau Vénère, c'est ce qu'on va écouter tout de suite dans la nocturne. 100% rap français sur Skyrock. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Iqbal, vas-y, au lieu de dormir, là, fais-leur un son de chien, là, ces chiens-là. Ils veulent un son vénère, c'est ça qu'ils veulent. Hein, ils veulent du sale, du sang, de la sueur. Ils veulent des trucs où sur la vie de ma mère, t'as les poils, ils s'irisent comme... Vas-y, chien d'ingé son, mets-lui une instru. Au lieu de te gratter la queue de cheval, sale chien que t'es. Parce que sur toi, toi aussi, on va te pendre, la vie de ma mère. Hein. Oh là là là là. Oh, j'ai une fâcheuse tendance à tout baiser. Ouais, à tout baiser, ouais, à tout baiser. Pour tous les dinosaures de la tête. C'est vénère. Quand c'est Icar, c'est vénère. Ça besoin pas, c'est vénère. Quand sont les rangs où c'est la folie. Dans tous les quartiers, c'est la folie. Quand c'est Icar, c'est vénère. Ça besoin pas, c'est vénère. Quand sont les rangs où c'est la folie. Dans tous les quartiers, c'est la folie. Short que du lourd. Officiel. Le rap game n'a pas de goût, donc je mets mon grain de sel. Ma dalle fait des scènes, cette chaîne de vie, faut que je la marque à la torselle. Et suis-toi le visage quand j'aurai craché. Monnaie, monnaie, monnaie, on l'a fait pousser dans nos tranchées. Et t'es commis vers le quartier, et enneigé, flashé par les condés qui surveillent nos allers-retours au QG. Gros son pour grosse caisse, classe E, 63 AMG. Les rageux sont repassés, c'est pour mes ch'tarpés qui tirent dans la boule. Rien à foutre, faut pas qu'on passe pour des tarlouses, on va t'arracher les pouces. J'ai le caractère d'une arme de guerre, la cachette rancunière. Paris c'est mon jardin, place que j'y enterre. Une vie d'enculé qui m'a rendu invincible en bottom. Ramenez-moi des champions, passez dans ce des banques en sol. Quand c'est Icar, c'est vénère. Ça besoin de pas, c'est vénère. Quand sont les rangs où c'est la folie. Dans tous les quartiers c'est la folie. Quand c'est Icar, c'est vénère. Ça besoin de pas, c'est vénère. Quand sont les rangs où c'est la folie. Dans tous les quartiers c'est la folie. Je me sens à poil sans mon prolique. Je lâche quelques bastos. 210 de frolique. Pour les chiens de valse, c'est la folie. Calage 8, c'est shit. Aérofox, ce gouvernement et son héros. Pour les frérots qui traversent les couloirs de la mort et des palais de justice. Nous on a pas tendu le rap pour faire du chiffre. Le rap français, je l'attache dans ma cave, je t'en fais un cul. Oh là là, mais Iqbal, la vie de ma mère, t'es vénère de ouf. Oh. Arrête. On vise la pluie d'aide, ça part en roue arrière. Tout du terre-terre, la rime est bien viscère. Je vais tous les laver, lavage mortuaire. Je suis prêt qu'à rapper, faire chaler vos mères. Vrai de vrai, eux des vrais mythos. Ils ont salam de mon calibre et mon stylo. Je les mets loin, Rossi Valentino. C'est la folie meurtrière, Ica Tarantino. Quand c'est Ica, c'est vénère. Ça présente pas, c'est vénère. Quand son erreur coupe, c'est la folie. Dans tous les quartiers, c'est la folie. Quand c'est Ica, c'est vénère. Ça présente pas, c'est vénère. Quand son erreur coupe, c'est la folie. La rue a quitté le bitume pour faire des dégâts sur YouTube, iTunes. J'fais du stage, j'fais des tubes. Génération confondue dans ce tube. Le fantôme de Chupac, bouteille de Jack dans le hub de Maître Yoda. Si tu le croises, shoot-le, tu seras un bon gars. Tu gênes encore ma mec qui pète dans un cours de yoga. La strip me porte fièrement comme une fer et sa burqa. Dire pas, j'ai violé ta prod jusqu'à l'orgue. 9-4, y'a pas que nos vitres qui font fumer. On t'envoie nos bitches pour t'allumer. Résumé coupable depuis que j'suis né. Donc j'm'en bats les couilles, j'crame tout, j'sais pas cuisiner. Quand c'est Ica, c'est vénère. Ça présente pas, c'est vénère. Quand son erreur coupe, c'est la folie. Dans tous les quartiers, c'est la folie. Quand c'est Ica, c'est vénère. Ça présente pas, c'est vénère. Quand son erreur coupe, c'est la folie. Dans tous les quartiers, c'est la folie. Pendant 9 minutes, mais sur la vie de ma mère, y'en a qui? Et après, ils vont dire que, mais t'inquiète pas que nous, hein, bande de chiens, va. 100% rap français, planète. La nocturne. Ramesh, tout le monde fait de la fraîche. Ramesh, chacun veut gratter sa pièce. Ramesh, sans aller tourner au head. Ramesh, j'rappe pour les blocs et les checks. Ramesh, ça comme le fond de tes fesses. Ramesh, ça comme le 93. Ramesh. On squatte l'avenue des champs et qu'on enchaîne fête sur fête. Mardante assez tête sur tête, 7 sur 7, le même sur veine. T'es lavé, trop de boulettes, taille des sous les coucougnettes. Tout niqué, fuir au bled, devenir un grand poète. Et laisse-les jouer de la mandoline, laisse-les jouer de la harpe. Moi je rappe pour les requins blancs, restant muet comme des cartes. Je la serai faire foutre le bordel, arme soviétique dans le berceau. Quand tu penses à moi, pisse dessus, je suis le petit doigt dans le verre d'eau. Ramesh, tout le monde fait de la fraîche. Ramesh, chacun veut gratter sa pièce. Ramesh, sans aller tourner au head. Ramesh, j'rappe pour les blocs et les checks. Ramesh, ça comme le fond de tes fesses. Ramesh, ça comme le 93. Ramesh. J'en ai rien à foutre du quintet. Je me demande comment niquer les impôts. Je me demande comment fermer le renté. Je me demande comment ouvrir une radio. Je me demande comment faire pour que nos pères soient plus locataires. J'ai des choses à faire. Et nique ta mère, toi et tes commentaires. C'est ni aime rien à voir avec ces chiens qui racolent. Une semaine au placard, ils peuvent en parler tout d'un album. Si ton groupie qu'elle s'affole, car bientôt ça va barder. Plus dur c'est pas de prendre le raté, c'est de savoir le garder. Ramesh, tout le monde fait de la fraîche. Ramesh, chacun veut gratter sa pièce. Ramesh, sans aller tourner au head. Ramesh, j'rappe pour les blocs et les checks. Ramesh, ça comme le fond de tes fesses. Ramesh, ça comme le 93. Ramesh. Sadek dans la nocturne. 2014, ma gueule. En attendant, Johnny Neal. Ça va rire. Moi le Neal. Fini de wesh, ma gueule. Mohandes. Remets de lui dans la sulfate de trio. Ha. Nocturne. Nocturne, avec A2H et 3010, jeune et talentueux maintenant dans la Nocturne sur Skyrock. Je suis foutu, je n'ai pas d'oseille, c'est la merde. Je n'ai que des vues sur YouTube. Et mes refs me font des coups de pute. Il me faut une coupure, ou que je la vois toute nue. C'est évident, vie irritante, je peux de vendre. Pas militant, non, mais assauts sont imminentes. J'en ai pas fini, non, non, mais de la weed dans le ventre. Je m'en fous ce que les flics y pensent. On a le talent, l'étoffe, des héros, on a vu drogue, cops. Même pris des grosses dans le télo. Des tas de prods, j'ai le soir, c'est le mélo. Drame, un phéno, mène 100 kilos. Drame, une flamme et du kéro. Zen, clé blaireau, trêve, j'opéro. Sabre, t'es naze, mais négro, slay pour faire la fête. Pépéro, calme, pas besoin de jouer les gorilles ou de négocier. Je te mets le collier, pas poli, mais je suis prof, t'as tes colliers. C'est odieux, je suis horrible, et tu te nier. C'est curieux, c'est furieux, me teste, c'est périlleux. Bonne chance, le currier. Chez d'où je viens, je suis le fils, à la maman, la couleur. Viens de Mada et la green dans le calva. Et chaque jour, on s'adapte, chaque jour, on patate ça. Là, pour froid, c'est laisser des cadavres. Jeune et talentueux, on est jeune et talentueux. Talentueux, on est jeune et talentueux. Talentueux, on est jeune et talentueux. Talentueux, on est jeune et talentueux. À deux, montre-leur. Quand il n'y a pas de monnaie, cet état je connais, viser ton fond, je le promets. Je le ferai mon écrou quand le micro rec, coupé correct. Et jamais sans ma tourelle, en solo, pas de gros bonnet. Sauf deux pour elle, je les allumais, les nargues, les froids chantent, tapaient quand les aigles dans le ciel. Ils ont mes négros qui tapaient, à de quoi de neuf, on veut Bernard Tapie. Et qui est planqué milliard sous le tapis. Et qui est gourmand Frinchtar pour tapis. Et qui est noué leur mère, point avis. Et qui est paye que je mette tes habits, on n'a rien à la base, donc on baise leur avis. Enfiler toutes tes prêts, te mets à genoux pour un peu d'aide, fils. Et je n'ai aucun précédent et zéro graine. Tous tes amis, on en craigne. C'est pas la même, pas la peine. Du genre, aucun ne vivra jamais le thème. Mais à la fin, tes gars aiment. HSD, on les ken. Bang de la caméra sur scène. Photo, je n'ai plus de semaine. Et c'est dommage ce qu'on mate le game. Tapant des barres à te faire voir qu'on met. Tu es vendu, j'ai voulu dire gentiment. Vu et conclu ensuite qu'il n'y a pas de sentiment. Donc on encule toutes les putes belles du bâtiment. Et l'institution qui me sépare du bâtiment. Venu et vu des gars vaincus par l'ego. La chaîne t'es qui parle à en recracher le mégot. Mes poumons ne seront jamais prêts pour mes bédos. Et ma rue la merde, t'en faire chier du fuego. Quoi jeune et talentueux, on est jeune et talentueux. Talentueux, on est jeune et talentueux. Talentueux, on est jeune et talentueux. Talentueux, on est jeune et talentueux. Montre-leur comment on fait vraiment les choses. Mange le truc tant qu'il est chaud. 3000 qui se montre-leur comment on fait vraiment les choses. La place de personne, on s'est garé sur le trottoir. On a frappé dans les bons sacs, la cam est bonne. On a les Yankees, les contacts, un son classe. Et je viens vider mon sac, un comparse. 3010 dans les bons bails, un qu'on parle. Fais gaffe à qui tu me compares, une bombe basse. J'aime quand on fait on claque, un ton car. Et je me roule un lonce d'art. Planète Rap, la Nocturne. J'ai perdu mon intimité. La drogue et l'alcool m'aident à méditer. Faut-il que je m'en tire une dans le crâne pour qu'à leurs yeux je puisse exister? Plus rien ne peut m'intimider. Dehors j'ai perdu mon intimité. La drogue et l'alcool m'aident à méditer. Faut-il que je m'en tire une dans le crâne pour qu'à leurs yeux je puisse exister? Enfermé dehors, jugé coupable à tort. Le temps que je m'évade ouvre la porte. À mon retour je te couvre d'or. Je suis enfermé dehors, jugé coupable à tort. Le temps que je m'évade ouvre la porte. À mon retour je te couvre d'or. Je suis enfermé dehors. Enfermé dehors. Enfermé dehors. Enfermé dehors. Je suis enfermé dehors. Dans les coins les plus hardcore. Le temps que je m'évade ouvre la porte. Regarde mon corps en pleurs encore. Yeah. Le temps d'une chanson, je veux juste rentrer à la maison. Je me suis enfermé dehors. J'aimerais voir d'autres horizons. J'ai vu passer toutes les saisons. Je me suis enfermé dehors. S'il te plaît, laisse-moi rentrer. Je te jure, je suis fatigué. Dehors, c'est chaud, mais je suis frais.

Et c'est la fin de la nocturne sur le son de Black M, album attendu, hein, c'est lundi. On l'a découvert cette semaine dans Planète Rap entre 20 et 21. Le morceau Black Line, à l'instant dans la nocturne. Et loupez pas lundi, sorti des yeux plus gros que le monde. Passez une bonne nuit, un bon week-end. On se retrouve pour une prochaine nocturne dans une semaine. Et dès lundi dans Planète Rap entre 20 et 21, à pas louper, il y a Rof qui débarque. Ciao. Skyrock. Rap and R&B non-stop. Skyrock.